Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif et on commence avec une nouveauté en provenance de Suède. En fait, on a déjà présenté un extrait de cet album, c'est le guitariste et chanteur suédois Jonathan Hultin. Un album, j'avoue, que j'écoute beaucoup par les temps qui courent. L'album a pour titre Eyes of the Living Night et je pense que c'est le second extrait de cet album qu'on vous présente et c'est la pièce Star Batter. Et puis, nouveauté en provenance d'Allemagne cette fois-ci et c'est un musicien qui a été particulièrement actif l'année dernière. Il nous a présenté rien de moins que 3 albums sous le nom de Sen Project. Il travaille aussi sous le nom de Chris Angels. Eh bien, cette fois-ci, il revient à la charge avec un album sous son propre nom, c'est-à-dire Angles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce multi-instrumentiste a de l'imagination et de l'inspiration à revendre. L'album s'intitule tout simplement Angles. Et comme premier extrait, on vous présente la pièce « The Earth Will Whisper When We're Gone ». Par la suite, Marc, on se transporte au Pérou. Oui, une des rares formations de rock progressif du Pérou et connue à l'international, c'est Flore de Loto, qui viennent de faire paraître leur nouvel album qui a pour titre Cosmos. Il est paru le 20 janvier 2025 et c'est leur 10e en carrière. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Ahorita Voy et ce sera suivi d'un artiste de Québec qui a pour nom Jacob Roberge, qui a fait paraître cette année son premier album qui a pour titre « The Passing ». Et je dois dire que c'est une grande réussite. On aura pour vous ce soir la pièce « Petrichor ». Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission avec Jonathan Hultin. « From this hill follows a winding path through the mountains and barren ways. In this space, everything starts anew. Through inner valleys and thousand lakes. Don't despair, my friend. Remember, dreams never end. Oh, before the voices fill the air, before the roads were laid with care. The rivers danced, the forest grew, the sky was wide, the world was new. We build our towers, tear the land, take more than we understand. But time moves on, the roots run deep, nature wakes while we still sleep. The earth will whisper when we're gone, through endless winds her quiet song. She was here before our birth, and she'll remain the soul of earth. We carve the hills, we chase the gold, we steal her breath, we make her cold. Yet every stone, each blade of grass, knows we are dust, just meant to pass. We build our towers, tear the land, take more than we understand. But time moves on, the roots run deep, nature wakes while we still sleep. The earth will whisper when we're gone, through endless winds her quiet song. She was here before our birth, and she'll remain the soul of earth. Before our birth, and she'll remain the soul of earth. leaves are dancing, moved by the summer breeze. The boys are playing, laughing by the trees. I rock my chair slowly. No one could take this moment from me. Thank you. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau pour donner le coup d'envoi de ce nouveau bloc musical. Bon, on va avoir Chaos Moon, un extrait du plus récent album The Goldfish, un album incidemment que le groupe va venir nous présenter le 17 mai prochain à la Chapelle Spectacle dans le cadre de la 18e édition de Terra Incognita, avec aussi la même journée Eden Song et Is, toute une journée en perspective. D'ailleurs, les billets sont déjà en vente sur le site de la Chapelle Spectacle. Ce soir, on vous propose la pièce Noisy Shoes. Et par la suite, Marc, on se dirige du côté de l'Australie. Oui, on parle ici de la formation Unitopia qui feront paraître en 2025 un CD-DVD qui a pour titre Alive and Kicking. On en a eu un premier extrait pour vous il y a quelques semaines. Alors ce soir, on aura la pièce Mania, qui est tirée de leur plus récent album Seven Chambers, paru en 2023. C'est une formation qui a 5 albums à son actif. Et ce CD-DVD paraîtra le 7 mars prochain. On peut déjà le précommander à partir de leur page sur Bandcamp. Et ce sera suivi d'une formation italienne qui a pour nom Gruppo Autonomo Suonatori, ou GAS. Ils ont débuté en 1997 en tant que groupe hommage à Léormé. Et après 25 ans de carrière, ils ont décidé d'enregistrer leur premier album en 2021, qui a pour nom Omnia Sunt Communia. La formation est maintenant composée de 3 musiciens, dont Claudio Barone, qui est le fondateur, à la basse, guitare et voix. Il y a également Pino Nastassi au clavier et voix, et Giulio Giangare à la batterie. Ils viennent de faire paraître cette année un nouvel album qui a pour titre Live in Mexico, June 2023, donc un album en spectacle. Et la pièce qu'on aura pour vous ce soir a pour titre Niente Nella Mente. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute le bloc musical avec la formation montréalaise Chaos Moon. Thank you. looked at me, then she said hello. What a beautiful day. What a beautiful day. Thank you. the bleed never healing. I feel the tears are brimming like water in a glass. Unsteady and too full, the shutters closed and no light will pass. Awaken to a nightmare, can't define, can't control. I live amongst the shadows. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres Ost Sonaten tiré de leur plus récent album Symphony No. 1 Cupid and Psyche, paru en 2016. C'est le 8e album pour ce groupe fondé par Fabio Zuffanti. On aura pour vous la pièce de Sacrifice, Gapless, qui débute cet album. Également des États-Unis, l'excellente formation Is. Comme vous le savez, ils seront à Québec le 17 mai prochain dans le cadre du festival Terra Incognita. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de leur avant-dernier album Don't Panic, paru en 2019, avec une pièce épique qui fait près de 18 minutes au compteur. Le titre de la pièce, c'est 42, et c'est une pièce inspirée du joueur de baseball américain Jackie Robinson, qui était le premier joueur de baseball afro-américain à avoir intégré les ligues majeures de baseball et qui portait le chandail au numéro 42. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une légendaire formation italienne qui présenteront bientôt un nouvel album. Oui, on parle ici de Banco del Mutuo Soccorso, un groupe qui, depuis, mon Dieu, plusieurs années, nous livre des excellents albums, et j'imagine que le prochain, qui a pour titre Story Invisibili, va être de la même trempe que l'album Orlando, Le Forme dell'Amore. On vous présente une pièce de cet album en attendant d'avoir un extrait de nouvel album à vous présenter. Et pour ce soir, ben, on a retenu la pièce Non Serve Tremare. Pioggia che schiaffeggia i rami, strette le ginocchia, viso tra le mani, vento sulle guance ad asciugare il pianto, denti sulle labbra per non urlare più. Vola via, via da qui. Da bambina, quando nella notte il buio fa paura, sotto le coperte nascondevi i sogni e con quelle unghie non li rubava più. Ora quei tuoi sogni li ha rubati un uomo mentre ti diceva ti lascio libera. serve fuggire, guarda i suoi occhi e non aver paura, non serve sparire, neanche implorare, perché tu sei libera e non guardarlo più. We'll be right back. 42 because he's 55. 42 is never coming down. 42 is stealing memories. 42, you put your arm around. 42 is a discovery. Celebrations of innocence. Celebrating in 55. All is possible in the past. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. 42 because it's 55. Is that all you need? 42, is that all you need? Humanity, but no one else could see. And we'd hide. Profanities laced with spikes on their feet. And we'd hide, we'd cry. How'd you blow us so? All your memories this time has come.

Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation américaine Kinetic Element. La semaine dernière, on vous présentait un extrait de l'album Travelogue, paru en 2015. On voulait souligner le décès de Mike Visaggio, qui est le compositeur et claviériste pour cette formation. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait du tout premier album intitulé Powered by Light, paru en 2009, et sur lequel Mike Visaggio assurait également le chant. Alors, on aura pour vous la pièce Ascent. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation italienne qui présentera un nouvel album cette année. Oui, j'ai vraiment hâte d'entendre ce nouvel album de la Coscienza di Zeno. Et selon le batteur Andrea Orlando, les sessions d'enregistrement seraient assez avancées. Donc, on peut toujours rêver que l'album va être lancé avant l'été prochain. Mais en attendant, on va écouter un extrait du tout premier album de la formation italienne qui est paru en 2011 et qui s'intitulait tout simplement La Coscienza di Zeno. Et c'est la pièce Ne cerchi di legno. Thank you.

day. Give me blood, give me sweat, and mingle them with tiny droplets of my tears. Give me friends who are enemies as yet. I'll take from them my courage as their souvenirs. I'm beaten, I'm feel dejected. The mountain grows as higher and higher I climb. And it seems that I may not dream of victory. Thank you.